les échangeurs d'air avec vous jusqu'à 22h. Michel Marcoux au microphone et Jean-Philippe Boisbriand, pas au microphone. Voilà. Et aujourd'hui, une émission qui commence par du folk. Oui, du folk, plutôt folk country. Un peu, avec des gens que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. Il y en a certainement que vous connaissez pas. Puis ensuite, des groupes de filles. Tout un bloc avec des filles. Plein de trucs des années 60. Puis aussi, après ça, ben, je sais pas. C'est un, il y a de Fleshtones, de Chesterfield Kings, de Cheapskates, etc. Puis on se termine avec quoi cette semaine? On termine avec Opal. Ah, voilà. Alors, si on veut terminer, commençons. Hang me, I'll be dead and gone. Hang me, oh, hang me, I'll be dead and gone. Wouldn't mind the hanging, but the laying in the grave so long. Poor boy, I've been all around this world. I've been all around Cape Girardeau, parts of Arkansas. All around Cape Girardeau, parts of Arkansas. Got so goddamn hungry, I could hide behind a straw. Poor boy, I've been all around this world. Went up on the mountain, there I made my stand. Went up on the mountain, there I made my stand. Rifle on my shoulder and a dagger in my hand. Poor boy, I've been all around this world. Dead and gone. Hang me, oh, hang me, and I'll be dead and gone. Wouldn't mind the hanging, but the laying in the grave so long. Poor boy, I've been all around this world. Put the rope around my neck, hung me up so high. Put the rope around my neck, hung me up so high. Last words I heard him say, won't be long now before you die. Poor boy, I've been all around this world. Hang me, oh, hang me, and I'll dead and gone. Hang me, oh, hang me, I'll be dead and gone. Wouldn't mind the hanging, but the laying in the grave so long. Poor boy, I've been all around this world. Thank you. just sitting here looking at the brown wood in my room. Just sitting here looking at the brown wood in my room. You know, I'll get a feeling I'll be there soon. There's no falling. You know, in the shade, snow's no longer white now. You know, in the shade, yeah, the snow's no longer white. I want the darkness to dazzle. One man preen his feathers, no lotus dove in the sky. Yes, one man preen his feathers, yeah. No lotus dove in the sky. But you know the frog man pick his words. Oh, damn town gonna fall by. That old feeling that you wanted to be stowed away. We had that old feeling that you wanted to be stowed away. Just put me in an old Japanese inn, baby. Throw the keys in. He's away. Sometimes I don't know where this dirty road is taking me. Sometimes I don't even know the reason why. But I guess I keep a gambling, lots of booze and lots of rambling. Well, it's easier than just a waiting around to die. All one time, friends, I had a ma, even had a pa. Well, he beat her with a belt once, cause she cried. She told him to take care of me, headed down to Tennessee. Well, it's easier than just a waiting around to die. Came of age and I found a girl in a Tuscaloosa bar. Oh, she cleaned me out and hit it on the sly. Well, I tried to kill the pain. I bought some wine and hopped a train. Seemed easier than just a waiting around to die. Then a friend said he knew where some easy money was. We robbed a man and brother did we fly. But Mr. Posse caught up with me and drug me back to Muskogee. And it's 2 long years of waiting around to die. Oh, but now I'm out of prison. I got me a friend at last. He don't drink or steal or cheat or lie. Oh, his name's Codeine. He's the nicest thing I've seen. Well, together we're gonna wait around and die. Yeah, together we're gonna wait around and die. With me, love, and we will wander across the blue mountains in a meadow so fair. For you know, in the morn, I'm gonna be leaving, but I will return, so wait for me there. Well, these are the words I said to my darling. These are the words that seal my sad fate. For I started rambling and I started gambling. Lost all that I had, and now it's too late. And I watch as the years pass my door, and the joys that I have are my memory's token of the girl that I loved and the words that I swore. Won't you come with me, love, and we will wander across the blue mountains so fair. For you know, in the morn, I'm gonna be leaving, but I will return, so wait for me there. Dry. I was caught with soap in my eye. Soap in my eye made me cry. The day the well went dry. No more water down in the well. Who do we know? Who can we tell? Whoever we tell will say, oh my. The day the well went dry. 'Cause there's no more water down. No more water down. No more water down in the well, honey, forget the pail. The water witcher came today, said water was 300 feet away. Driller said a foot cost 9, what a price to pay. So I hooked up a hose to my neighbor's yard. Said we could take all the water we need till we get all a new well dug, just being neighborly. 'Cause there's no more water down. No more water down. No more water down in the well. Honey, forget the pail. Jack's trying to cheer me up. Even gave me a bottle of rye, bottle of rye, a mud in your eye. I ain't got the mud, cause my well is dry. My poor well is dry as a bone. Its heyday has come and gone, me oh my. The day the well went dry, cause there's no more water down. No more water down. No more water down in the well. Honey, forget the pail. It's a scary day in a dry July. when they sit in the geodesic honky-tonks, gazing through the dirty plastic windows, sipping on their tree frog of beer. Looking, looking, looking, looking, looking at the beer cans on the moon. This is the moon, this is the moon, this is the moon. Glub, glub, glub, glub, glub, glub, glub, glub, glub, glub, glub, glub, looking at the beer cans on the moon. Looking at the beer cans on the moon. You white trash hillbilly trick, they've been into you for years, baby, years. Faded blue jeans. Honey, you're a white trash hillbilly trick, and they've been into you for years. Honey, there's a rainbow around your head, a rainbow. Honey, honey, don't get ripped. I like the way you move. You're a hill woman. Honey, a hill woman. Wearing them high heels again. So young and fair and smooth. I'm gonna buy you some hot buns. I love your jelly roll. You got wore out shoes tied around your feet and a real skinny waist. Buttons are all off your shirt. Your white trash hillbilly trick. On your britches. I love your hair parted right down the middle. And I love the way you dance, you white trash hillbilly trick. They've been into you for years. You're a hill woman, honey, a hill woman. Wearing them high heels again. There's a hole in your britches and your knees to show. So young and fair and smooth. You're a white trash hillbilly trick, baby. So young, fair and smooth. And I'm gonna buy some hot buns, cause I love your jelly roll. They've been into you for years, baby. Cause you're a white trash hillbilly trick. And I love the way you dance. I love you in your faded jeans. There's a rainbow around your head, baby, a rainbow. They've been into you for years, baby, cause you're a white trash hillbilly trick. Ça commençait comme ça. C'était plutôt folk, un peu country par moment. Puis ça commençait avec Dave Van Ronk qui faisait Hang Me sur Folk Singer de 62. Lui, c'est un guitariste, chanteur, musicien de jazz et syndicaliste aussi. Partisan de la gauche aux États-Unis, qui a participé à quelques manifestations un peu par hasard, semble-t-il, puis qui s'intéressait à peu près tout. Tout sauf prendre l'avion. Alors, ça explique peut-être pourquoi sa carrière n'a pas été tout à fait internationale, parce qu'il voulait moins se déplacer, puis il voulait pas conduire non plus. Alors, il s'est promené quand même passablement. Puis, il a l'air d'un type pas mal intéressant. vraiment une espèce de colosse sympathique et extrêmement cultivé. Robbie Basho, d'ailleurs, je tiens à préciser qu'il rejetait du gaz carbonique aussi. Je dis ça pour que Maxime Bernier puisse l'apprécier aussi. Robbie Basho nous faisait Basho's Blues sur Basho Sings de 1967. Basho, qui est un guitariste, un pianiste, qui est décédé un peu tôt aussi, à 45 ans, donc en 1985. Puis, il a fait pas mal. Lui, il voulait avoir la guitare à cordes de métal, il voulait que ça devienne un instrument de concert, c'est ça. Puis, il s'intéressait beaucoup au raga, aux musique indienne, japonaise et tout ça. Un autre qui va revenir, parce que c'était chouette. Tom's Van Zandt nous faisait Waiting Around to Die sur Tom's Van Zandt de 1969. Lui, il s'appelait comme ça parce que son arrière-grand-père portait le nom de Tom's, puis c'était des Hollandais d'origine de ce veste-là, évidemment, Jean-Philippe. Puis, il n'y a jamais eu de très, très grand... Il n'y a pas eu de très grand succès ni de très grande carrière. Parce que on disait qu'il y avait des troubles de comportement. Il y a beaucoup de monde qui ont des troubles de comportement dans les gens que Jean-Philippe sélectionne. Patrick Sky suivait avec Come With My Love sur Patrick Sky de 65. Lui, bon, c'était un ami. En fait, il y avait des ancêtres écrits. Puis, il était élevé près de la Fourche Swamp en Louisiane. Puis, c'est un ami de Dave Van Ronk aussi. Puis, il est encore vivant. Puis, je sais pas s'il produit encore des trucs, mais je pense que oui aussi. C'est ça, Jean-Philippe me disait, je pense que oui. Je pense qu'il continue. Il a 75 ans aujourd'hui. Alors, s'il veut prendre une petite retraite, il le peut, mais ça serait chouette qu'il continue. Norman Greenbone nous faisait The Day the Well Went Dry. C'était sur Petaluma de 1972. Lui, il a écrit Spirit in the Sky. Puis ça a été suffisant. Pratiquement, il y a eu une carrière à part ça. Mais c'est ça. Puis une de ses... donc, sa chanson a été amenée par Apollo 13, puis ils l'ont fait jouer dans l'espace. C'est suffisant pour vous rendre très populaire. Chili Willy and the Red Hot Peppers, des Anglais qu'on aime beaucoup, I'll Be Home. Ils ont été actifs de 71 à 75 à peu près. Kings of the Robot Rhythm, c'est le titre de l'album qui date de 72. Et à l'intérieur de ce groupe-là, il y a évidemment Philip Snakefinger, Libman. On a fini, continue avec Ed Sanders qui nous faisait Beer Cans on the Moon. Et nous avons terminé avec Peter Drudzin qui nous faisait White Trash Hillbilly Trick. Et voici la fermeture éclair de Delphine. Et Ooh. Win. They said, don't let her get away with it. But I never should have listened. Take my Bobby away, putting me down, showing everybody his ring. Well, I thought I'd like to scare her a little, but I never meant to hurt her or anything. You can beat her, you can. Une machine, une machine à reculer le temps. Je la mets dans ma cuisine pour les œufs, c'est épatant. Il y a des lumières partout, le néon, moi ça me rend dingue. Je les allume tout à coup, elles se reflètent sur le zinc. Je me suis acheté une machine à l'hydroflex. On a changé de genre. On était dans des groupes exclusivement féminins, comme ça, des années 60. Ça commençait avec Delphine qui nous faisait la fermeture éclair sur une compilation qui s'appelle Ils sont fous, ces Gaulois, volume 2. Delphine Burry, c'était le deuxième de ses 3-45 tours à la fin des années 60. Puis effectivement, on parle de l'introduction à cordes très orientales du début de la pièce qui est assez intéressante, oui, et c'était bien sympathique, de I'm Gonna Destroy That Boy de 1966. C'était de What For. C'est une compilation qui s'appelle Girls in the Garage, volume 5. Puis de What For, c'est un groupe de Manhattan avec Elizabeth Burke, Cathy Cochran, China Girard et Diane Hartford. Puis on signe avec Columbia en 66, puis on sortit quelques petits trucs. Ça a été, ça n'a pas duré si longtemps. En fait, ça a pas été, c'est un bloc dans lequel il y a beaucoup de monde qui n'ont pas eu de très très longue carrière, mais qui ont fait des trucs plaisants. Carrie Lynn suivait avec Girls in the Garage, volume 6, Cléopatra de 1962. Quand j'ai cherché sur elle, je pense que j'ai trouvé qu'elle s'appelait Carrie Lynn. C'est à peu près tout. Jean-Philippe m'avait averti pour ce bloc qu'il était possible que je ne trouve pas des tonnes d'informations sur des personnes ayant fait, par exemple, un 45 tours dans les années 60. Puis, effectivement, Jean-Philippe avait parfaitement raison. Je pourrais me mettre à chercher de ça pour finalement trouver très peu d'informations sur ces gens. De Ladybug suivait avec Fraternity USA de 1964 sur Girls in the Garage, volume 4 cette fois-là. Est-ce qu'on a quelque chose de plus sur The Ladybugs? Non. Non. Puis le problème aussi, c'est que quand certains groupes des années 60 ont choisi un nom, évidemment, ce nom-là a parfois été repris et re-repris et re-repris. Alors, on peut avoir parfois des noms qui ont été vraiment portés par plusieurs groupes. Dans le cas de Ladybugs, il y a aussi un film appelé Ladybugs et qui occupe les premières pages d'Internet. Linda Gale nous faisait Maggie's Farm en 1965, toujours sur Girls in the Garage 2. C'est une toune de Dylan. Là, c'est le volume 5 cette fois-là. Et Linda Gale, j'ai trouvé mieux qu'avec Cathy Lynn. J'ai trouvé qu'elle s'appelait Linda Gale et il y a une photo. Alors, c'est sûr, je pourrais essayer de vous décrire la photo. Alors, c'est une dame blonde. La photo est en noir et blanc. Je ne peux pas vous dire ni la couleur de ses yeux, ni comment elle a réussi à gonfler ses cheveux comme ça. Mais c'est assez... Ouais, il y avait du bon spread dans les années 60, je dis Jean-Philippe, qui est un connaisseur. The Feminine Complex nous faisait It's Magic sur Living Love. The Feminine Complex, on a plus d'informations, viennent de Nashville au Tennessee. Puis ont été actifs de 66 à 69. Puis elles se sont rencontrées à Maplewood, une école à Nashville. Puis est-ce que c'est elle, tantôt je disais... qu'elles ont Ah non, c'est pas ça. Parce qu'il y a un groupe qui s'est séparé, on dit tout simplement parce que l'école recommençait. Oui. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça, The Feminine Complex. Le groupe s'est arrêté parce que l'école recommençait. Alors, ça a mis un terme à leur carrière. C'est plutôt plaisant, mais on a eu The Bittersweets qui suivait avec Hurting Kind toujours les filles dans le garage, mais le volume 1 cette fois-là. Et quelque chose de très, très chouette de Daisy Chain. C'est vraiment très joli, la pièce Zotto sur Straight or Lame de 1967. De Daisy Chain, ben, on a ça aussi, il y a déjà un peu plus d'informations. Ils viennent de Fullerton, en Californie. Puis c'est vraiment très bon. Jean-Philippe me dit qu'il n'y a pas tant de bonnes pièces, mais celle-là était vraiment délicieuse. The White Boots nous faisait Nightmare sur le volume 1, toujours des filles dans le garage. Est-ce qu'il y avait quelque chose sur... Oui, c'est drôle, sur Rhonda, Paige et Cathy. Puis, ce qu'on nous met, la seule page que j'ai trouvée sur eux, c'est leur journal, où est-ce qu'elles notaient, qu'est-ce qu'elles faisaient. Alors, elles s'en vont à un meeting avec les officiels de Philips, puis elles s'en vont à un autre endroit après. Et on a terminé avec une dame plus connue, Dani, qui a fait, elle, beaucoup, beaucoup de choses, actrice, chanteuse, et qui a rencontré plein de monde. Ça nous faisait La Machine sur Ils sont fous, ces Gaulois, le volume 3. left without saying goodbye. I could've helped you if only you'd have let me try. Now I'll never rest till you let go of me. I see your face in every mirror. I see you walking up and down the street. I know it's you, it's following me. I know it's you and you're telling me. You better run, cause I'm right behind. You better run, before I change my mind. You're gonna run till the end of time. You're gonna run. Better run, cause I'm right behind. You better run, before I change my mind. You're gonna run, till the end of time. You're gonna run. You better run, cause I'm right behind. You better run, before I change my mind. You're gonna run, till the end of time. You're gonna run. Thank you. coyotes squashed by boulders left to be seen. Thank you. Ben, c'est tout pour nous, les échangeurs d'herbes noires, quand elle est là, prêt à vous faire errer dans son terrain vague. Voilà. Et on a terminé avec des groupes des années 80, années 70, 80, et même dans le cas des Flashtones et maintenant encore, mais qui ont un son 60. Alors, on commençait par The Dreg, c'était The Flashtones sur l'album Roman Gods de 1981, sur Flashtones 77. Et on disait que c'est le seul groupe de ces années-là, parce qu'il était avec en même temps que Blondie, The Ramones, Television, Mink DeVille, Suicide, tout ça, qui sont restés ensemble et qui continuent à faire de la musique. Puis aime ça courir sur la scène. C'est le chanteur Peter Zaremba qui aime se courir sur la scène, puis le groupe aime ça jouer dans le public et tout ça, puis ça a l'air assez plaisant. The Chesterfield Kings nous faisait Fluctuation sur ER, Hear Hard, The Chesterfield Kings de 1982. Eux, ils viennent de où? Rochester, dans l'État de New York. Puis eux aussi avaient un son délibérément années 60. On est passé ensuite de Cheapskates, Run Better Run, un de leurs grands succès, finalement, sur l'album Run Better Run. Oui, et ça disait leur seul succès aussi. Non seulement leur grand succès, mais leur seul succès. Shane Faubert. C'est très drôle, parfois, dans beaucoup de groupes, en fait, un peu partout aux États-Unis, mais souvent sur la côte Est, on retrouve des noms québécois qui, on sait, se sont probablement. En fait, on peut arriver soit dans au 19e siècle ou dans la première moitié du 20e. Il y en a eu beaucoup de Québécois qui sont partis aux États-Unis. Strychnine était faite par The First Tones qui nous sur Lysergic Emanations de 1985. The First Tones. Ah ouais, Rudy Protodi. C'est un groupe qui existe encore depuis 1980. Ils viennent de où? Bon, du États-Unis, mais je vois pas d'autres mentions. Est-ce que originaire de New York, voilà. Originaire de New York. Et on dit que le groupe est formé en 80 par le géant Rudy Protodi. Mais pourquoi il est géant? On ne sait pas. Pourquoi il est géant? Peut-être qu'il est très, très grand. Un groupe de Montréal aussi, Terminal Sunglasses, nous faisait de Coyote Finally Wins. C'est la chanson où le coyote mange enfin Roadrunner. Le disque s'appelle Wrap Around Cool de 1985. Et on est passé... Plastic Land qui nous faisait Euphoric Trapdoor Shoes sur Plastic Land de 1984. Un groupe originaire de Milwaukee qui est la ville de quoi? Jean-Philippe, alors je vous laisse un temps pour réfléchir. La ville des brasseurs, voilà, c'est comme ça qu'on dit. Et il n'y a aucun nom francophone dans le groupe de Plastic Land. On dit qu'ils font du néo-psychédélique. On peut dire ça. D'accord, et on a terminé avec le groupe Opal qui nous faisait Magic Power sur Happy Nightmare Baby de 1987. Alors, eux ont changé de nom. En fait, au départ, c'était Paisley Underground. En fait, c'était une partie de Paisley Underground. Puis, ils ont pris leur nom avec une chanson de Syd Barrett. Puis, il y a David Roback, voilà, que... Et ils sont devenus Maisie Star, voilà. Et c'est comme ça que ça se termine. Moi, je vous dis tout simplement à la semaine prochaine.